Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va continuer dans le récit du prophète Moussa alayhi salam et de ce qui lui est arrivé avec Pharaon, Pharaon le tyran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère, que l'on recherche uniquement l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'apprentissage de la science de la religion et dans l'application de celle-ci. Donc, on avait raconté le début de l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et on avait dit que Moussa alayhi salam a grandi dans le palais de Pharaon, Pharaon le tyran. Pourquoi ? Parce que Pharaon avait fait tuer les bébés. Il faisait tuer les bébés du peuple de Banu Israël, les garçons, une année sur deux. Et l'année dans laquelle le prophète Moussa alayhi salam est né, c'était l'année dans laquelle Pharaon tuait les bébés. Donc, la mère de Moussa alayhi salam, pour protéger son fils, elle le mettait dans un berceau qu'elle avait fait fabriquer et elle le posait sur le fleuve du Nil quand les soldats de Pharaon venaient vérifier s'il y avait un nouveau-né. Et un jour, elle a oublié d'attacher la corde, d'attacher le berceau. Alors, il a vogué sur le fleuve du Nil en Égypte jusqu'à arriver aux abords du palais de Pharaon. Et c'est les servantes de Asiya, la femme de Pharaon, qui, elle, faisait partie du peuple de Banu Israël. Donc, ce sont ces servantes qui ont trouvé Moussa alayhi salam. Et quand elles l'ont montré à Asiya, elle a souhaité le garder. Donc, il a grandi dans le palais de Pharaon. Puis, plus tard, il a voyagé jusqu'à Madian et 10 ans après, il est revenu et il a reçu la révélation. Il a appelé Pharaon à entrer en islam. Et Haroun, son frère, était également un prophète. Donc tous les deux sont partis voir Pharaon. Il a refusé de croire et il leur a demandé un signe éminent. Il leur a demandé une preuve. Moussa alayhi salam lui a montré les 2 miracles, 2 parmi les 9 signes qui sont cités dans le Coran qu'Allah a accordé à Moussa alayhi salam. Le premier c'était le bâton et le deuxième c'était la main qui s'illuminait, qui devenait blanche, lumineuse. Et tout cela nous l'avons raconté dans les cours précédents. Ensuite, Pharaon a appelé, a convoqué les plus grands magiciens du pays pour combattre Moussa, pour battre Moussa, et il a accusé Moussa de sorcellerie. Et le jour où ils se sont réunis devant un grand nombre de gens, devant la population, Moussa alayhi salam a battu les sorciers, et les cordes et les bâtons que les sorciers avaient jeté pour faire croire aux gens que c'était des serpents, quand Moussa alayhi salam a jeté son bâton, il s'est transformé en un véritable serpent, il a avalé toutes les cordes et tous les bâtons. Alors les magiciens se sont prosternés pour Allah, ils sont entrés en islam, ils ont reconnu que le prophète Moussa alayhi salam était véridique. Et là, Pharaon était complètement enragé, parce que lui, il les avait appelés pour qu'ils le soutiennent et pour qu'ils battent Moussa, et eux, ils se sont retournés au final et ils se sont prosternés pour Allah et ils ont dit, nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moussa et Haroun. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. C'est-à-dire, les sorciers se sont prosternés Et donc ils ont embrassé l'islam et ils ont dit nous avons cru en le Seigneur de Haroun et Moussa. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Donc quand Pharaon a vu qu'ils sont entrés en islam, il était complètement contrarié, il avait la haine, il était en colère et il les a menacés. Il leur a dit, est-ce que vous avez cru en eux avant que je vous en donne l'autorisation? Donc il voulait essayer de montrer son pouvoir, il voulait toujours asseoir son emprise et sa suprématie. Et donc il leur a dit, vous avez osé croire en lui avant que je vous en donne l'autorisation. Et eux, ils ont persisté sur la foi. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas retourner dans la mécréance après avoir connu la vérité. Alors il les a menacés de les tuer. Et il leur a dit, si vous continuez à être sur la religion de Moussa et que vous ne délaissez pas sa religion, alors je vais vous accrocher, je vais vous crucifier, je vais vous accrocher à des troncs de palmier et je vais vous couper une jambe et un bras de l'autre côté, une main et un pied opposés. Et ça ne les a pas fait changer d'avis. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Donc ils lui ont dit, on ne va pas te préférer par rapport à ce que nous avons reçu comme signe éminent. Eux, ils ont vu le miracle et ils ont compris que c'était un miracle. Ils ont compris que c'était pas de la sorcellerie de la part du prophète Moussa alayhi salam. Et donc, ils ont dit à Pharaon, on va pas te préférer à ce que nous avons vu. Alors, fais ce que tu as à faire. Tu veux nous tuer, ben, t'as qu'à nous tuer. Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Ce que toi tu décrètes et ce que tu vas faire, ça reste que dans ce bas monde. Tu ne peux rien faire de plus. Tout ce que tu vas faire, c'est ici bas. Inna amanna bi rabbina. Nous avons eu foi en notre Seigneur. Liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr. Et nous ainsi afin qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous pardonne ce que tu nous as contraint à faire, c'est-à-dire la sorcellerie. Wallahu khayrun wa abqa. Puis ils ont dit, إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. C'est-à-dire, celui qui meurt et qui arrive dans l'au-delà au jugement d'Allah en étant criminel, celui-là, il méritera l'enfer et en enfer, il ne mourra plus et il n'aura pas une nouvelle vie. Il va rester éternellement châtié en enfer. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Et ils lui ont dit, par contre, en revanche, celui qui arrive dans l'au-delà au jugement d'Allah en étant croyant et en ayant accompli des bonnes œuvres, ce sont ces gens-là qui auront les hauts degrés. Et ils seront dans des jardins sous lesquels couleront des ruisseaux, de l'eau, des fleuves, des rivières. et ils y resteront éternellement, et c'est cela la récompense et la rétribution de celui qui s'est purifié, c'est-à-dire qui s'est purifié de la mécréance et des péchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces gens qui étaient le jour même, hein, dans la matinée, ils étaient mécréants et ils étaient des sorciers, donc c'était des gens qui commettaient des grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils soient en fin de journée des croyants qui ont une foi forte, une foi inébranlable. Il les a menacés d'une torture terrible et ils ont refusé de quitter l'islam. Il leur a pas dit « je vais vous enlever votre salaire ». Il leur a pas dit « je vais vous renvoyer du boulot, je vais vous renvoyer du travail si vous ne quittez pas votre religion ». C'était des vraies menaces, c'était des menaces d'exécution et même de torture. D'exécution en se faisant couper une main et le pied opposé, le pied qui est de l'autre côté. Et malgré cela, ils sont restés fermes sur leur religion. Tu trouves aujourd'hui des gens qui, pour une chose mondaine, éphémère, et qui quelque chose de très minime, ils sont prêts à vendre leur religion, ils sont prêts à apostasier, ils sont prêts à dire des paroles qui contredisent les principes de l'islam et à tomber dans la mécréance pour trois sous, alors que ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, ces gens qui étaient sorciers, ils allaient se faire tuer, ils allaient se faire exécuter, ils allaient se faire torturer. Ils n'ont pas quitté l'islam, ils ont dit on garde la foi et on croit en Allah, le Seigneur de Moussa et de Haroun, alayhim as-salam. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Ben, il a exécuté ses menaces. Il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et donc, il a fait crucifier les magiciens. Il a tranché les mains et les pieds opposés. Et tout ça pour assouvir sa rage. Parce qu'il a été incapable de les faire céder et de faire en sorte que ces gens renient leur foi. Et donc, ils sont morts martyrs et pieux, et ils ont gagné les hauts degrés, alors que le jour même, c'était des mécréants sorciers. Allah Ta'ala accorde ses bienfaits, et il comble de ses bienfaits qui il veut parmi ses créatures. Allah Subhanahu wa Ta'ala yarzuquna al-mawta ala kamil al-iman. Qu'Allah fasse que nous ayons une bonne fin. Parce que ce qui compte, c'est al-khawatim. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama al-a'malu bi khawatimiha. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est ton état et tes œuvres au moment où ton âme va quitter ton corps. Parce qu'il y a des gens, ils commencent leur vie bien et après ils tournent. C'est le contraire. Et il y a des gens, ils commencent leur vie mal en faisant des mauvaises actions. Mais juste avant la mort, ils se repentent. Et Allah accepte leur repentir, et ces gens-là sont les gagnants. Donc, Allah a accordé la victoire et le triomphe par rapport à Pharaon, et Pharaon, il s'attendait à être vainqueur, il pensait qu'il allait gagner, il pensait que ces magiciens, ils allaient battre Moussa alayhi salam. Non seulement ils ont perdu, en plus ils sont entrés en islam, donc là Pharaon, il a vraiment tout perdu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Son arrogance, le fait qu'il voulait préserver sa souveraineté, ça a fait que il est devenu encore plus dur envers le peuple de Banu Israël. Et en plus, ceux qui étaient avec Pharaon, ils lui ont dit qu'est-ce qui se passe? Regarde, les Banu Israël, ils se sont mis à croire à Moussa, et maintenant ils font n'importe quoi, d'après les Coptes, hein, d'après les adeptes de Pharaon. Ils ont dit à Pharaon, ne les laisse pas tranquilles, il faut que tu sois ferme avec eux, t'as pas été assez ferme, regarde maintenant, ils ont cru à Moussa, il faut que tu sois plus dur. Qu'est-ce que Moussa a fait? Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il s'est mis à assassiner les hommes de Banu Israël, et il s'est mis à emprisonner les femmes et à les réduire au service des Coptes. Donc les femmes, il en faisait des esclaves en fait, et les hommes, il les tuait, et c'était une grande, grande épreuve pour le peuple de Banu Israël, qui était croyant et qui suivait le prophète Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. C'est-à-dire que les gens qui suivaient Pharaon, ils lui ont comme fait un reproche. Ils lui ont dit, est-ce que tu vas laisser Moussa comme ça, lui et son peuple, à faire du mal, à corrompre sur terre et à délaisser ton adoration? Alors, Pharaon, il leur a fait la promesse, il leur a répondu, قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ, il a dit, on va tuer leurs fils, donc tous les hommes en fait, il a fait en sorte de massacrer les hommes, وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, et on laisse vivants leurs femmes pour qu'elles soient à notre service, وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, et on est plus puissant qu'eux, on est plus fort qu'eux. Alors, le peuple de Banu Israël, il s'est plaint au prophète Moussa alayhi salam. Et ils lui ont dit, Pharaon, il est en train de nous tuer, Pharaon, il est en train de nous faire du mal, qu'est-ce qu'on fait? Allah Ta'ala dit dans le Coran, قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Donc, Moussa, alayhi salam, il leur a répondu à son peuple, et il leur a dit, aidez-vous par demander l'aide à Allah. Aidez-vous en demandant l'aide à Allah et en faisant preuve de patience. Et la terre, elle appartient à Allah, et il fait hériter la terre à qui il veut. Parmi ses esclaves, Allah fait que ceux qui vont rester au final, ceux qui vont rester sur terre, ce sont ceux qu'Allah a voulu qu'ils restent. Donc c'est pas parce que Pharaon vous fait du mal que c'est lui qui va gagner et que c'est vous qui allez tous mourir et pas lui. Wal'aqibatu lilmuttaqin, et la bonne fin au final, c'est pour qui? C'est pour Al-Muttaqin, ceux qui se sont préservés de la mécréance et des péchés. Alors ils lui ont répondu et lui ont dit قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا. Ils lui ont dit Pharaon, il nous persécute déjà depuis avant que tu arrives, avant que tu viennes appeler à l'islam. Déjà on était persécutés et il continue à nous persécuter même après que tu sois arrivé. قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Et là, Moussa alayhi salam leur a dit, il se peut qu'Allah Ta'ala, il fasse périr votre ennemi. Donc, il aura comme annoncé une bonne fin, une bonne suite par rapport à ce qu'il subissait comme épreuve avec Pharaon. Donc Pharaon, il s'est mis en tête de tuer les hommes de Banu Israël. Quand il a tué les sorciers, il y avait quelqu'un qui faisait partie de sa famille, de la famille de Pharaon, et qui était croyant. Mais c'était un croyant caché. Il ne montrait pas qu'il était musulman. Mais quand il a vu que Pharaon a tué les sorciers qui étaient entrés en islam, ça lui a fait quelque chose au cœur. Alors il a dit à Pharaon que, il a exprimé qu'il était croyant. Il a exprimé sa foi. Il a manifesté sa foi. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il l'a exécuté lui aussi et il l'a mis avec eux dans les troncs d'arbres, il l'a fait crucifier, il a coupé sa main, il a coupé son pied, il l'a tué. Cet homme-là, il avait une femme et cette femme, c'était la coiffeuse de la fille de Pharaon. Cette femme, la femme de cet homme qui est mort martyr, c'était la coiffeuse de la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon, c'était pas la fille de Asiya. Parce que Asiya, c'était la femme de Pharaon. Mais c'est pas, elle n'a pas eu d'enfant avec Pharaon. Elle n'a pas eu d'enfant avec Pharaon. Donc la fille de Pharaon, c'était sa fille, mais d'une autre femme. Et donc sa fille avait une coiffeuse. Et cette coiffeuse, elle aussi, elle était croyante. Et elle aussi, elle cachait le fait qu'elle était croyante. Elle ne le montrait pas. Sauf qu'un jour, elle a fait tomber son peigne. Et quand elle a fait tomber son peigne, elle a voulu le ramasser. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Bismillah. la fille de Pharaon, elle a entendu, elle était étonnée. Et elle lui a dit, t'as un seigneur, un dieu, autre que mon père? Et la coiffeuse lui a répondu, mon seigneur, ton seigneur et le seigneur de ton père, c'est Allah. Alors la fille de Pharaon, elle est partie rapporter à Pharaon, à son père. Et elle lui a dit ce qui lui était arrivé. Alors Pharaon a convoqué la coiffeuse et lui a demandé « Qui est ton seigneur ?» Et elle, sans aucune hésitation, elle n'a pas eu peur. Elle a dit « C'est Allah, mon seigneur et ton seigneur, c'est Allah, c'est Dieu. » Alors Pharaon, il a ordonné aux soldats de faire bouillir une grande quantité d'eau et pour la supplicier, pour la torturer, et il a fait amener les enfants de cette femme pour les faire mourir sous ses yeux. Imaginez-vous la souffrance pour une mère de voir ses enfants mourir, et en plus d'une manière qui est très douloureuse, en bouillant. Il lui a dit « Quitte l'islam ». Elle a dit non. Il a jeté le premier de ses enfants, le plus grand de ses enfants. Et là, la coiffeuse, elle était en larmes. Elle était en larmes. Les os, ils fondaient. Ils tombaient au fond du chaudron. Et la chair, elle flottait à la surface de l'eau. Elle a vu son fils fondre dans de l'eau bouillante. Vous imaginez? Il lui a dit « Quitte l'islam ». Elle a refusé. Il a jeté le deuxième. Elle a vu ses enfants dans cette immense torture. Et c'était une affliction pour elle. Elle pleurait. Et il a fait comme ça avec tous ses enfants, du plus grand au plus petit. Sauf que le plus petit, il était dans ses bras, c'était un nourrisson. C'était un bébé. Et c'est connu, une maman, elle a encore plus d'attachement au tout bébé qui est fragile, au tout dernier. Alors, quand Pharaon allait faire tuer son bébé, Allah a accordé un prodige, une karama à la maman. Et le bébé a parlé. Il était en âge de téter le sein de sa mère. Il n'était pas en âge de parler. Et Allah a fait parler ce bébé. Et il a dit « Ya ummah usbiri, fa innaki ala al-haq ». وَلَا تَتَقَعَسِي فَإِنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا. Il lui a dit « Mère, maman, patiente parce que tu es sur la vérité. Et le châtiment de l'au-delà, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus intense, il est bien plus terrible que le châtiment du bas-monde. » Alors, ça a raffermi encore plus cette femme. Et les soldats ont pris le bébé, ils lui ont arraché des mains. Et ils l'ont jeté dans l'eau. Allahu Akbar. Tous ses enfants meurent devant elle. Parce qu'ils lui demandent de quitter l'islam. D'arrêter d'adorer Allah. Et elle refuse d'arrêter. Parce que le plus grand devoir, c'est d'adorer Allah uniquement. Et de ne rien lui associer. Et après, c'était à son tour. Alors, avant qu'elle ne se fasse jeter, elle a dit à Pharaon, j'ai une faveur à te demander. Elle lui a dit, je te demande que tu réunisses les os de mes enfants et mes os, et tu les enterres tous au même endroit. Et Pharaon lui a dit « Lakizel » et qui lui a dit « Je t'accorde cela ». Il lui a dit « Je t'accorde cela pour tout le travail, pour tous les services que tu as fait pour la maison, je t'accorde cela ». Et après il l'a jetée dans l'eau et elle est morte martyre. Cette femme vertueuse, des siècles plus tard, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son voyage nocturne, vous vous rappelez? J'ai raconté l'histoire du voyage nocturne dans une série, dans une playlist que vous pouvez trouver sur la chaîne L'Islam Simplement. Et j'avais raconté cette histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant son voyage nocturne, Al-Isra, il a senti une très bonne odeur. Et Jibril alayhi salam, qui l'accompagnait, qui voyageait avec lui sur le dos du Bouraq, il lui a dit, cette odeur, elle provient de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. C'est la tombe de cette coiffeuse et de ses enfants. Et c'était une odeur exquise. Et c'est comme si cette femme qui était dans sa tombe, elle saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que son odeur magnifique, elle est parvenue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. radiyallahu anha wa rahimahallah. Quand Pharaon est retourné voir son épouse, Asya, il lui a dit ce qu'il avait fait. Il lui a dit qu'il avait tué la coiffeuse, qu'il avait fait mourir, qu'il avait fait torturer cette coiffeuse. Alors là, Asya, qui était elle aussi musulmane, et elle c'est une des meilleures femmes du monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté, nous a dit que les meilleures femmes du monde sont Maryam, puis Fatima. Donc Maryam c'est la mère du prophète Jésus alayhi salam, puis Fatima qui est la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis Khadija qui est la première femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis Asya, la femme de Pharaon. C'est la quatrième meilleure femme du monde. Mais Pharaon ne savait pas qu'elle était musulmane. Mais là quand il lui a dit ce qu'il avait fait, vraiment ça a fait du mal au cœur de Asya. Alors elle lui a dit « Malheur à toi, tu es tellement abominable ». Là elle l'a vraiment blâmé. Et là Pharaon, il était choqué de ce qu'elle a dit. Il lui a dit « Est-ce que tu es devenue folle comme cette coiffeuse ?» Et elle a répondu « Non, je ne suis pas folle, mais je crois en Allah, le Seigneur des mondes. Allahu Akbar. » Alors qu'elle sait ce qu'il fait aux musulmans, regardez le courage. Regardez la foi, regardez la force, regardez ce cœur pur devant un tyran, devant le plus grand des tyrans de cette époque-là et un des plus grands des tyrans qui existaient. Elle a dit non, je suis pas folle, mais j'ai cru en Allah, amantu billahi rabbil alamin. J'ai cru en Allah, le Seigneur des mondes. Alors Pharaon, il lui a laissé le choix. Il lui a dit de deux choses l'une. Soit tu renies ta foi en Dieu, le Seigneur de Moussa, soit toi aussi, tu vas goûter à la mort. Et elle a dit, moi, ne plus croire en Allah, jamais, wallah. Elle a dit, par Allah, jamais je ne croirai pas en Allah. Alors Pharaon a ordonné à ses soldats de torturer sa femme jusqu'à la mort. Ils ont attaché ses bras, chaque bras avec une corde. Ils ont attaché ses jambes, chaque jambe avec une corde. Sous la chaleur intense du soleil, ils ont tiré dessus et ils se sont mis à la torturer. Et quand elle a senti que elle s'apprêtait à mourir, elle a fait une invocation. Elle a dit ce qui est cité dans le Coran. Rabbi bni li indaka baytan fil jannah. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. C'est-à-dire, ô Allah, accorde-moi une maison, une demeure dans cet endroit que tu honores, dans cet endroit qui a un haut degré selon ton jugement, qui est le paradis. Ô Allah, accorde-moi une demeure au paradis et protège-moi, sauve-moi de Pharaon et de ses actes. Préserve-moi de sa fitna. Parce que la torture, parfois, ça te fait dire des choses. Et Pharaon voulait qu'elle m'écroie, qu'elle dise avec sa bouche qu'elle ne croit plus en Allah. Elle a demandé à Allah de la préserver, de la renforcer, de la préserver du mal de Pharaon. « وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » Et préserve-moi et protège-moi, sauve-moi de du peuple d'injustes, du peuple des injustes. Puis elle est morte. Elle est morte martyre. Radiyallahu anha. Donc Pharaon, regardez tout le mal qu'il a fait. Il a tué les sorciers. Il a tué les hommes du peuple de Banu Israël. Il a pris les femmes en esclaves. Vous vous rendez compte de toute la torture? Nous, parfois, pour un petit chouïa de malheur, on est là, on s'afflige comme si le ciel nous était tombé sur la tête. Mais regardez les croyants dans le passé, combien ils ont subi de souffrances, et tout ce qu'on leur demandait, c'était de quitter leur foi. Et ils refusaient de quitter leur foi. Et tu trouves des gens à notre époque qui sont prêts à quitter la foi, à quitter l'islam, gratuitement, comme ça. Même pas avec une contrepartie, rien, et il ne risque rien. Tu risques quoi? De perdre ton boulot? Tu risques quoi? que l'entourage qui ne sont pas des musulmans et qui détestent l'islam, ils te regardent d'un certain œil. C'est pour leur plaire à eux que tu es prêt à vendre ta religion et à mériter l'enfer pour l'éternité. Le croyant, il est plus fort que ça. Le croyant, il tient à la foi. Il tient à la foi autant qu'il espère ne pas être jeté en enfer. Tout comme tu crains d'être jeté en enfer, tu crains de perdre ton islam. Parce que perdre son islam, quitter l'islam, apostasier, ben ça mène en enfer. Et là, Pharaon s'est mis à continuer à égorger, à tuer les hommes, et il faisait toute la tyrannie qu'il faisait. Et ce, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala révèle au prophète Moussa alayhi salam que des châtiments allaient s'abattre sur Pharaon et ses adeptes. Et Moussa alayhi salam, il a menacé Pharaon et il lui a dit « Attendez-vous à un châtiment intense et douloureux. Un châtiment va s'abattre sur vous en rétribution de votre mécréance. » Parce que vous n'avez pas cru en ce que je transmets, vous allez subir un châtiment. Et Pharaon a refusé encore de croire en lui. Et c'est là que des grands signes éminents de la part d'Allah se sont abattus sur le peuple des Coptes, le peuple de Pharaon. Et c'est ce qu'on appelle les signes. Les signes qui ont été cités dans le Coran. Je vous avais dit que Moussa alayhi salam a reçu 9 signes. En fait, 2 parmi les 9, c'était le bâton, le miracle du bâton et le miracle de la main quand il entrait dans son vêtement. Et 7 parmi les signes, c'était des grandes épreuves qui sont tombées sur le peuple de Pharaon. Premièrement, le premier fléau qui leur est tombé dessus, c'est qu'il y a eu une immense sécheresse, au point qu'ils n'avaient plus de récolte. Leurs animaux, ils avaient plus une seule goutte de lait. C'était vraiment un fléau. C'était une grande souffrance pour les Coptes. Les Banu Israël, ils souffraient, ils subissaient énormément d'injustices de la part de Pharaon. Alors, le peuple de Pharaon s'est mis à subir de grandes épreuves. Le premier signe, le premier fléau, c'était la sécheresse. Ils avaient plus rien à manger, plus de récolte, pas la moindre goutte de lait. Alors, ils sont partis voir Moussa et lui ont dit « Invoque ton Seigneur ». Ils sont partis le voir et lui ont dit « Invoque ton Seigneur pour que ce fléau cesse, pour que ça s'arrête et on te promet, Pharaon a dit, et on te promet que on croira en ton Dieu et on arrêtera les injustices. On arrêtera de faire du mal. » Moussa, alayhi salam, il a invoqué Allah. La sécheresse s'est arrêtée et la pluie est tombée. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon n'a pas tenu sa parole et ils ont repris les injustices. Alors, le deuxième signe leur est tombé dessus, le deuxième fléau. C'était une pénurie de fruits. Ça veut dire que les arbres, à cause de parasites et de maladies qui les avaient atteints, ils ne donnaient plus aucun fruit. Plus rien. Pharaon est parti voir Moussa. Il a dit, invoque ton Seigneur pour que ça s'arrête et je te promets que il va plus rien se passer après. On va vous laisser tranquille et même on va croire en Dieu. Moussa alayhi salam a invoqué et ils n'ont pas tenu parole. Alors le troisième signe leur est tombé dessus. Et là, c'était un tophène, un déluge. Alors certains ont dit que c'était des pluies diluviennes qui ont ravagé toutes les productions agricoles. Et d'autres ont dit que c'est le fleuve du Nil qui était en crue. Donc l'eau du Nil, elle a débordé. Le fleuve, il a inondé la terre. Et donc les Coptes, les gens du peuple d'Égypte, ils ne pouvaient plus labourer, ils ne pouvaient plus rien faire, et donc ils ont été à nouveau atteints de famine. Ils sont partis voir Moussa, alayhi salam, et lui ont dit, s'il te plaît, invoque Allah, invoque ton Seigneur, pour que ça s'arrête. Mais à chaque fois, hein. Et Moussa, alayhi salam, il invoque. Ils sont partis voir Moussa. Ils lui ont demandé d'invoquer. Moussa a invoqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, on était content finalement qu'il y a eu la pluie, ça nous a fait du bien. C'est quoi ces bêtises? Et ils ont continué les injustices. Alors il y a eu une quatrième calamité. Et c'était les criquets, les fameux criquets. Allah Ta'ala a fait descendre une quantité extraordinaire de criquets. Tellement ils étaient nombreux, ils recouvraient toute la terre. Ils recouvraient la terre. Il n'y avait plus la lumière du soleil, elle passait plus. Vous imaginez le nombre de criquets? La lumière du soleil en Égypte, hein, la lumière du soleil n'était plus visible. Et les criquets mangeaient tout sur leur passage. Ils laissaient plus rien aux hommes. Il y avait plus de récoltes, il y avait plus de fruits, il y avait plus d'arbres. Et il a même été rapporté que les vis métalliques qui tenaient les portes de leurs habitations, ils les mangeaient. Les criquets, ils les mangeaient. Ça veut dire que même les habitations, elles s'effondraient. Pharaon est parti voir Moussa. Ils lui ont dit, s'il te plaît, invoque ton Seigneur pour que ça s'arrête et on te promet que ça y est, on arrête d'être injuste envers vous. Mais des grands menteurs qui tiennent pas leurs paroles. Et Moussa alayhi salam, regardez l'indulgence, regardez la clémence, regardez la miséricorde. Moussa alayhi salam, après toutes ces injustices, il continue à invoquer. Et ça vous rappelle le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti à la région de At-Ta'if. Vous vous rappelez? Ils l'ont frappé, alors que lui les a appelés à l'islam. Ils lui ont jeté des pierres, au point qu'il saignait des jambes. Et quand l'ange Jibril alayhi salam est venu le voir, avec l'ange des montagnes, chargé des montagnes, et l'ange chargé des montagnes lui a dit, إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين, si tu veux, je frappe les deux montagnes sur eux, l'une montagne contre l'autre, je les anéantis. T'as juste un mot à me dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, j'espère que dans leur descendance, il y ait des gens qui disent la ilaha illallah. Regardez la miséricorde extrême des prophètes. Moussa alayhi salam, il a encore invoqué. La calamité, elle s'est arrêtée. Le fléau de criquet, ça y est, rahou, il y avait plus de criquet. Pharaon, il a repris les injustices, encore une fois. Et là, il y a eu le cinquième signe. Et le cinquième signe, c'était des poux qui ont infesté les matelas des Égyptiens, des Coptes. Au point qu'ils ne pouvaient plus fermer l'œil. Ça y est, ils ne pouvaient plus se reposer, ils ne pouvaient plus dormir. Ils avaient des poux partout. Ils sont partis voir Moussa alayhi salam et rebelote. Ils lui ont demandé d'invoquer. Il a invoqué. Eux, ils ont fait leur promesse. Et finalement, ils n'ont pas tenu leur promesse. Allah leur a envoyé une sixième calamité, un sixième désastre, et c'était une invasion de grenouilles. Il y avait des grenouilles partout, elles ont pullulé. Ça y est, ils n'arrivaient plus à vivre. Dans leur nourriture, il y avait des grenouilles. Dans les récipients, ils voulaient boire, hop, une grenouille qui est là. Dans leur lit, des grenouilles. Dans leurs habits, ils veulent s'habiller, ils trouvent des grenouilles dans les habits. Dans leur maison, dans leurs affaires, des grenouilles partout. Est-ce que vous réalisez ce que c'est? Ils sont partis voir Moussa alayhi salam. Ils lui ont dit, invoque ton Seigneur et on va croire en toi, on va croire en ton Seigneur et on va arrêter les injustices. Moussa alayhi salam a invoqué. Oups. Moussa alayhi salam a invoqué. Ça s'est arrêté. Et ils ont repris les injustices envers les croyants de Banu Israël. Et là, il y a eu le septième signe. Et le septième signe, c'était le sang. Le sang. L'eau des adeptes de Pharaon, elle se transformait en sang systématiquement. Dès qu'ils voulaient boire de l'eau elle se retrouve, c'était du sang. Même quand ils puisaient de l'eau, que ce soit d'un récipient, d'un puits, du fleuve, du Nil, elle se transformait immédiatement, instantanément, ça devenait du sang. Par la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils pouvaient plus boire. Ils avaient plus d'eau. Mais Banu Israël, eux, ils avaient de l'eau. C'est que quand c'était les mécréants qui suivaient Pharaon, qui prenaient de l'eau, que cette eau se transformait en sang. Et voilà les sept signes. Sept signes qui sont arrivés au prophète, sept signes éminents. C'était des miracles pour le prophète Moussa, alayhi salam. Et ça, c'est cité dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. C'est-à-dire, et nous avons éprouvé les adeptes de Pharaon par les années, c'est-à-dire les années de disette, de famine, et ça c'est le premier signe. Deuxième signe, ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات, c'est-à-dire quand les fruits ils étaient morts, il y avait plus de fruits à cause des d'une maladie et de parasites qui ont abîmé les arbres. لعلهم يذكرون, puissent-ils réfléchir, puissent-ils se rappeler, puissent-ils reconnaître et finalement accepter la vérité et croire en Allah. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et quand il leur arrivait une chose de bien, ils disaient « ça nous est dû ». Hein, les Coptes. Et quand il leur arrivait un malheur, alors ils disaient « oui, c'est à cause de Moussa et de ceux qui sont avec Moussa, c'est eux, c'est leur poisse, ça vient d'eux, etc. » Dieu dit dans le Coran « Ala innama ta'iruhum indallah » Ce qui leur arrive, c'est de la part de Allah. C'est Dieu qui prédestine les choses. C'est Dieu qui crée les choses. Rien n'arrive sans la volonté d'Allah. ولكن أكثرهم لا يعلمون, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Et ils lui ont dit au final, quoi que tu puisses nous montrer comme signe de avec ta magie là, لتسحرنا, hein, si tu veux nous faire de la sorcellerie, on ne croira pas en toi. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Alors nous leur avons envoyé le déluge. Donc là, tout à l'heure, j'ai cité deux As-Sinin, les années de disette, et Wanaqsim minas samarat, la pénurie de fruits. Maintenant, il y a les autres signes. At-Tufan, le déluge. Al-Jarad, les criquets. Al-Qummal, les poux. Al-Dafadi'a, les grenouilles. Wad-Dam, et le sang. Ayatim mufassalat, des signes qui sont éminents. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Mais ils ont fait preuve d'orgueil. الْكِبْرِ التَّكَبُّرِ. Ils ont fait preuve d'orgueil et c'était un peuple de criminels. C'était un peuple de criminels. Alors, à ce moment-là, après tous ces signes et après qu'il n'ait pas cru, Moussa alayhi salam a reçu l'ordre de son Seigneur, l'ordre d'Allah Ta'ala, de prendre son peuple, Banu Israël, qui était environ 600 000, et de partir vers la terre promise, qui était la Palestine. Et ça, on le racontera jeudi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Je vais laisser quelques minutes pour que vous puissiez poser des questions, si vous avez des questions à poser. Donc je vais mettre le chat en route. Voilà. Donc, en attendant que vous posiez vos questions, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire, si parmi vous il y a des nouveaux, pour recevoir le lien par WhatsApp directement, quelques minutes avant chaque cours. Il vous suffit d'envoyer un mail à l'islam, sans apostrophe, l'islam.simplement@gmail.com. Et je vous rappelle également qu'il y a une nouvelle session d'arabe qui va commencer au mois de juillet. C'est pour les débutants, les tout débutants qui ne connaissent même pas l'alphabet arabe. Donc c'est une session payante. Pour s'inscrire, il faut envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. l'arabe sans apostrophe point simplement @gmail.com. Donc c'est une session, une formation assez intensive. Ce sera 5 fois par semaine pendant 4 semaines durant le mois de juillet, inshallah. Si parmi vous il y en a qui sont intéressés, il vous suffit pour vous inscrire d'envoyer un mail à larabe.simplement@gmail.com. Barakallahu fikoum. Si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les écrire sur le forum de discussion. Alors, il y a une question qui n'est pas complète. Adil, si tu veux réécrire ta question ou la reformuler. Quelqu'un demande, j'aimerais savoir si, inshallah, on se retrouve au paradis, on aura la même corpulence que sur terre. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que les musulmans au paradis auront la taille qu'avait le prophète Adam, alayhi salam. Le prophète Adam, alayhi salam, était plus grand que nous. Il faisait, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, 60 coudées de haut sur 7 coudées de large. Une coudée, c'est la distance qui sépare le coude du bout des doigts. Donc, il était grand, comme un grand palmier, de taille comme un grand palmier. Et les musulmans au paradis auront la taille qu'avait le prophète Adam alayhi salam, et ils seront plus beaux que ce qu'ils étaient dans ce bas monde. Ils auront la beauté qu'avait le prophète Yusuf alayhi salam. Et le prophète Yusuf alayhi salam, il lui a été accordé la moitié de la beauté, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Alors, quelqu'un demande quelles sont les meilleures formules de zikr à faire. Les meilleures formules de zikr, c'est Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. Ce sont les quatre meilleures paroles et la meilleure d'entre elles est La ilaha illallah. Donc, je répète, souvent elles sont récitées dans cet ordre que je viens de dire, même si la meilleure c'est La ilaha illallah. On dit Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Et tu peux réciter ce zikr plein de fois dans ta journée. Par exemple, tu peux t'habituer à réciter 100 fois par jour Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Et certains ont fait l'exégèse du verset du Coran qui parle de al-baqiyat as-salihat, les bonnes œuvres qui durent et qui restent pour l'au-delà, et certains ont dit que ce terme-là, cette expression al-baqiyat ou salihat, elle vise ces quatre paroles Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et également, il convient de ne pas négliger l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vous ai mis des formules à apprendre par cœur, et on les avait récitées ensemble. C'est dans les cours récitons ensemble, dans la playlist de récitation. Dedans, il y avait une formule d'invocation en faveur du prophète aussi qu'on avait apprise ensemble. Quelqu'un demande s'il est permis de faire le Aïcha avant son heure en été lorsqu'il est très tard. Si tu dors avant que n'entre le temps du Aïcha, tu n'as pas commis de péché. Celui qui tombe dans le péché, c'est celui qui ne fait pas la prière alors qu'il était réveillé. Mais si quelqu'un s'est endormi pendant le temps du Maghrib, et après, quand il se réveille, ben, tout le temps du Isha, il dormait. Celui-là n'a pas commis de péché. Tout ce qu'il a à faire, c'est rattraper. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man nama an salatin aw nasiyaha, falyusalliha idha zakaraha, la kaffarata lahu ghayra dhalik. C'est-à-dire, celui qui dormait pendant tout le temps de la prière, ou bien qui a complètement oublié de faire la prière. Ça lui est sorti de la tête. Il a oublié. Alors qu'il rattrape sa prière, c'est tout ce qu'il a à faire comme compensation. Quelqu'un demande, est-ce que les sorciers qui se sont repentis vont éviter les supplices de la tombe le jour du jugement dernier et en enfer? Bien sûr, ils sont morts martyrs. Déjà, celui qui meurt en s'étant repenti, Allah ne le châtie pas pour ses péchés. Et en plus, ils sont morts martyrs. Donc ça y est, ils avaient atteint des hauts degrés. Et bien sûr qu'ils ne se feront pas châtier. Celui qui meurt martyr, bien sûr, musulman. Quelqu'un qui meurt non musulman, il n'est pas martyr. Quelle que soit sa façon, la façon dont il meurt. Mais celui qui meurt martyr, donc, Allah lui efface tous ses péchés déjà. Mais eux, ils se sont repentis avant même de mourir martyr. Ils sont entrés en islam et ils se sont repentis de leurs péchés. Quelqu'un demande pourquoi fait-on 7 fois le tour de la Kaaba? Pourquoi le chiffre 7? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une sagesse dans tout ce qu'Allah a révélé à son prophète. Et dans tout ce qu'Allah crée, il y a une sagesse. Pourquoi 7 fois? Je ne sais pas. Alors, quelqu'un demande où était Haroun, le frère de Moussa alayhi salam, pendant l'exode du prophète Moussa en direction de la Palestine. Si tu veux, tu patientes jusqu'à jeudi prochain et tu auras la réponse, Inch'Allah. Quelqu'un demande à quand la formation arabe pour ceux qui ont passé le niveau débutant. J'ai pas le temps de la préparer pour le mois de juillet. C'est pour ça que pour le mois de juillet, je vais juste faire une formation débutant comme on a fait pour le mois de juin. Probablement mois de septembre, Inch'Allah, ou vers ces eaux-là, quoi. Mois d'août, je sais pas si je ferai une formation. Je doute que je fasse une formation au mois d'août. Mais les cours de religion, j'espère, Inch'Allah, continueront. Quelqu'un demande si je peux faire une vidéo sur toutes les prières surérogatoires. Elle existe déjà. Tu vas dans la playlist qui s'appelle « Comment bien faire la prière ?» et à partir de la 11e vidéo, je crois, on parle des prières surérogatoires. Elles sont numérotées, elles sont dans un ordre, donc et elles ont chacune un titre, donc tu pourras la trouver facilement. Tu vas dans la chaîne L'Islam Simplement, hein, tu cliques sur Accéder à la chaîne, puis tu cliques sur Playlist, et là tu verras une playlist qui s'appelle Comment bien faire la prière, et il y a tous les chapitres sur la prière. Quelqu'un demande, j'ai un souci de santé au genou et je prie assise, est-ce que mes prières sont valables? Oui, si tu n'as pas la possibilité de prier debout, tes prières sont valables en priant assise. Mais ça veut dire que tu te mets jamais debout? Ou bien tu veux dire, tu pries debout, mais au lieu de te prosterner et de descendre tout en bas, tu t'assois sur une chaise. Parce que c'est différent. Si tu as la capacité d'être debout, tu dois être debout. Tu commences pas ta prière en étant assise. Tu commences ta prière debout. Et après, ce que tu peux pas faire en bas, hein, en allant vers la prosternation, dans ce cas-là, tu peux prendre une chaise, mais après, à chaque fois qu'il faut se remettre debout, tu te remets debout si tu as la possibilité. Par contre, si tu me dis que jamais tu es debout, tu n'as pas la possibilité d'être debout, c'est trop douloureux pour toi, tu es constamment assise, dans ce cas-là, bien sûr que tu fais la prière assise. Il y a des questions auxquelles vous comprenez que je ne peux pas répondre. Ikul li maqamin maqal. À chaque situation, il y a des propos, si je puis dire. J'ai répondu à la question pour l'histoire de la prière du Aïcha. Alors quelqu'un demande, est-ce préférable d'être éprouvé dans la difficulté plutôt que dans quelque chose de facile comme la richesse? Oh, crois-moi, la richesse n'est pas quelque chose de facile. Maintenant, entre les deux, les savants ont parlé de cela. Je ne maîtrise pas ce sujet, mais sache que les deux sont une épreuve. La difficulté est une épreuve et la richesse est une épreuve. Et c'est pour cela que Allah Ta'ala a fait l'éloge de ces deux esclaves qui ont été éprouvés chacun par l'une de ces deux sortes. L'un d'entre eux était le prophète Ayyub alayhi salam et l'autre était le prophète Sulayman alayhi salam. Le prophète Ayyub a été extrêmement éprouvé par la difficulté, la maladie, la pauvreté, tout le monde l'avait quitté à part sa femme, la mort de ses enfants, donc ça c'était une grande difficulté. Et Sulayman alayhi salam a été éprouvé par une grande richesse, il avait tout le monde à son service, les djinns étaient à son service, c'était le roi Sulayman alayhi salam, c'était lui qui gouvernait, les djinns avaient peur de lui, il faisait des constructions, des édifices immenses pour le prophète Sulayman alayhi salam. Le vent était à son service, les animaux, le hudhud, la huppe, elle était à son service. Et ça, c'est une grande épreuve. Et il n'a pas fait preuve d'arrogance. Il était extrêmement humble, extrêmement modeste, extrêmement ascète. Lui, il mangeait peu. Il égorgeait pour les pauvres beaucoup d'animaux, mais lui, il se contentait d'une nourriture que nous-mêmes, on ne supporte pas, peut-être. Et chacun des deux, donc lui et le prophète Ayyub alayhi salam, ont été tous les deux éprouvés et ils ont réussi leur épreuve. C'était des prophètes, bien sûr, parmi les meilleurs des créatures. Et au sujet de chacun des deux, Allah Ta'ala dit dans le Coran, ni'mal 'abdu innahu awwab. Ça veut dire quel bon esclave qu'il est. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a su faire preuve de patience et ne pas tomber, en fonction de la situation dans laquelle il est, dans les péchés qui correspondent à cette situation. Alors, on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'il est déjà 9h15, et on laisse les questions pour le prochain cours. Barakallahu fikum, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi, وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته